et nous allons chanter Alléluia. Ça ira, qu'on voit le jadis du clergé par là, comme un prophète il a prédit cela, en chantant ma chansonnette, avec plaisir on dira, ah ça ira, malgré les lutins tout réussira. Ça ira, Dieu est un beau chant de la guerre, ça ira, réjouissons-nous, le beau temps viendra. Le peuple français jadis accouilla, l'aristocratie dit mais à coup le pas, ça ira, le clergé regrette le bien qu'il a, par justice la nation l'aura, par le prudent la faillette, tout trouble s'apaisera, ça ira, malgré les mutins, tout réussira. Ça ira, que dit comme le grand sens de la dans l'âme, ça ira, pendant la guerre qu'elle trahira. Avec cœur tout bon français les combattra, s'il voit du loup hardiment il parlera. Ça ira, la faillette dit vienne qui voudra, le patriotisme leur répondra, sans craindre ni feu ni flamme, le français toujours vaincra. Ça ira, malgré les mutins, tout réussira. Ça ira, les aristocrates à la lanterne, despotisme expirera, la liberté triomphera. Ça ira, nous n'avons plus ni noble ni prêtre. Ça ira, l'égalité partout règnera, l'esclave autrichien le suivra. Ça ira, et leur infernal clic au diable s'envolera. Ça ira, les aristocrates à la lanterne, ça ira, les aristocrates.